Quand un moine du 9e siècle nommé Vétin tomba malade, voyant une légion de démons entrer dans sa cellule, et emporter ce qu'il faut pour les préparatifs d'un mort, il comprit que sa fin était proche. Effrayé à leur aspect, il s'adressa vivement à Dieu et à ses saints, et aperçut aussitôt des personnes vêtues d'habits religieux, s'avancer avec gravité et chasser les démons. Un ange entra, encerclé de lumière, s'approcha de son lit, et lui prit la main, pour le relever et le conduire sur un chemin agréable. Puis le long d'un large fleuve de feu, où un grand nombre de pécheurs gémissaient dans les tourments, par la gravité de leurs péchés. Il reconnut plusieurs hommes et femmes qu'il avait connus. Certains brûlaient, attachés sur des poteaux. Un moine adonné à l'avarice et qui avait amassé de l'or, expiait son péché jusqu'au dernier jugement, dans un cercueil de plomb. Certains ecclésiastiques, qui avaient leurs intérêts terrestres, comme seule considération, en leurs évêchés. Et parmi eux, l'empereur Charles. Leur purification par le feu allait se terminer. Puis l'ange conduit le moine Vétin au séjour des bienheureux. Il y aperçut les élus de Dieu, placés dans les parvis éternels par leur mérite honorable, ainsi que notre Seigneur a dit. Il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Lorsque Vétin revint à lui, il rapporta le détail de sa vision à son monastère et on l'écrivit. D'abord en prose, puis en vers. Puis il dit qu'il n'avait plus que 2 jours à vivre. Et après s'être recommandé à ses frères religieux pour le prière, il mourut au couvent d'Aigbel, le 31 octobre de l'an 824. Vision de Vétin, moine de l'abbaye bénédictine de Reichenau, à Constance. En 824, avant de mourir, ayant enseigné avec succès au monastère, Vétin rêva qu'un ange le transportait près d'un grand fleuve de feu où des personnes étaient plongées en multitude infinie, et reconnut certaines d'entre elles, notamment des évêques simoniaques, trafic de vente et d'achat des choses saintes, biens spirituels ou charges ecclésiastiques, des prêtres incontinents, non chastes, adonnés à la chair, ainsi qu'un grand prince, naguère souverain d'Italie et de Rome, condamné à tellement de souffrances. L'ange dit que les bonnes œuvres de ce prince n'avaient pas racheté ses nombreuses fautes, commises contre la pureté des mœurs, observation des règles morales. Charles aurait eu mauvaise grâce de n'avoir pas réprouvé sévèrement chez autrui, des faiblesses qu'il partageait. La passion immodérée pour les femmes. C'est l'unique reproche qu'on puisse adresser à sa vie privée. Plus tard, encore transporté en esprit dans le purgatoire, Vétin vit l'empereur Charles au fond de ce triste lieu, où il devait expier ses plaisirs coupables, sous la griffe d'un vautour.